Je veux expliquer la fonction de Foral. Je ne parlerai plus dans l'avenir du plan physique ou du plan vital ou du plan astral ou du plan mental. Je suis écœuré de ces termes. Je vous parlerai dans les termes que je me sers. De sorte que dans les années à venir, lorsque vous serez suffisamment conscient pour être en éveil, vous saurez et pourrez reconnaître les mondes parce que ces êtres-là ne vous donneront jamais le nom de leur région. Et s'ils ne vous donnent pas le nom de leur région, s'ils ne vous disent pas où vous êtes, si on ne vous dit pas que vous êtes en France, comment pouvez-vous le savoir? La fonction de Foral, c'est d'éveiller dans l'homme une sorte d'intelligence qui convient à ses sens matériaux, matériels. Une intelligence qui doit toujours être subordonnée à ses sens. Une intelligence tellement peu profonde que dès que l'homme en a été totalement saturé, tel qu'il l'est à la fin du XXe siècle. Il est totalement sous la domination de ses forces et rejette le pouvoir de l'invisible dans sa vie. Et en rejetant le pouvoir de l'invisible dans sa vie, non seulement il rejette son intelligence, mais aussi il demeure prisonnier de ses régions. Le jeu, c'est un jeu à double sens. Plus il est donné à l'homme l'intention qui vient de Foral, plus il est obligé de penser avec cette intention et plus automatiquement il ne pourra pas penser en relation avec l'ajusteur de pensée. Parce que Foral est totalement opposé à l'intelligence. Et Foral est suffisamment développé, suffisamment intelligent pour donner à la raison humaine toutes les raisons dont il a de besoin pour s'objecter à la pénétration en lui de l'intelligence pure de l'ajusteur de pensée. De sorte que l'ego, lorsqu'il est dans cette emprise, lorsqu'il est prisonnier de Foral, est incapable par lui-même de faire la connexion avec l'intelligence pure, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de s'habituer à penser d'une façon totalement autonome. Il est obligé, à cause des mots qui ont été mis dans son esprit, de se servir de ces mots et il ne peut jamais étendre ces mots, soit les détruire dans leur forme pour créer d'autres formes afin d'élever son niveau d'intelligence et de commencer à pénétrer dans les mystères de la vie pour éventuellement entrer dans le secret des mystères de la vie. Alors, Foral est une banque incroyable, est une banque extraordinaire de toutes les pensées possibles de l'humanité. Et lorsqu'il manque à l'homme de nouvelles pensées, Foral, lui, transmet ses pensées et l'homme continue à penser et à rationaliser avec le matériel qui lui est fourni de Foral. De sorte que même si l'homme évolue pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles, il sera toujours un esclave de Foral. Pourquoi? Pourquoi l'instruction mondiale est-elle fondée sur le principe de la destruction des forts? Justement pour détruire le pouvoir de Foral chez l'homme, afin que l'homme puisse entrer dans son intelligence. Et dès qu'un homme a commencé à entrer dans son intelligence, qu'il a commencé à saisir son lui-même réel, et intelligent, il ne peut plus retourner en arrière. Et automatiquement, il est perdu à Foral. Et automatiquement, il doit fusionner. Et automatiquement, éventuellement, il doit immortaliser dans la chair. C'est pourquoi Foral, c'est un monde d'intelligents. C'est un monde intelligent. Mais c'est un monde dont la loi fondamentale n'est pas nécessairement le mensonge, mais dont la loi fondamentale est de nourrir l'esprit de l'homme par un mécanisme qu'on appelle la pensée subjective, que vous appelez le raisonnement. Et c'est à cause de ce raisonnement extrêmement poussé, extrêmement développé aujourd'hui, que nous avons une science extrêmement avancée sur le plan technique et mécanique sur la Terre et que nous sommes en train de détruire notre civilisation. Foral, c'est l'abîme de l'intelligence. Foral, c'est le point le plus bas de l'intelligence. Foral est à la limite de l'intelligence cosmique et des sphères qui, pendant des millénaires, ont construit pièce par pièce, moment par moment, émotion par émotion, pensée par pensée, agression par agression, l'humanité. C'est Foral qui a sévi les liens entre l'homme et la lumière. Et lorsque le Nazaréen est venu sur le globe, il est passé par Foral, par Atrion, par Rebka et Mitzra. Et c'est pourquoi son effusion a été si importante, parce que son passage à travers ces régions a été le canal, l'ouverture du canal permettant à la fin du 20e siècle que l'homme puisse recommuniquer avec les circuits universels. Je vous assure que l'homme n'a pas besoin de craindre ce qu'il pense, même si ce qu'il pense n'est pas en harmonie avec les conventions de l'homme. Parce qu'il est évident qu'un homme, à l'intérieur duquel s'élève la conscience, il est évident qu'il devra subir, vivre un combat quelconque. C'est normal. Mais ce qui ne lui est pas évident, c'est que l'homme a la capacité, et remarquez ceci, l'homme a la capacité de vivre dans son mental inférieur n'importe laquelle des pensées que peut lui envoyer Foral, pourvu qu'il soit suffisamment évolué dans l'ego pour en supporter la présence et le poids. Autrement dit, je vous dis, que quelle que soit la noirceur de vos pensées, il y aura toujours en vous de l'intelligence suffisante, c'est-à-dire de la force, c'est-à-dire de la volonté, pour pouvoir supporter le joug de la transformation du mental qui se fait dans le combat, qui se fait dans cet échange d'énergie entre l'homme et cette région. Autrement dit, l'homme doit apprendre une fois pour toutes à ne pas craindre, à ne pas se sentir mal, à ne pas se sentir mauvais, à ne pas se sentir petit dans les pensées qui viennent vers lui puisqu'il n'a aucun contrôle sur ses pensées. Mais sa responsabilité, c'est de pouvoir les absorber sans réagir, sans en être affecté émotivement, parce que Foral travaille avec Atrion dans une harmonie parfaite. La relation entre Foral et Atrion, elle est parfaite. La relation entre le mental humain et l'émotif est parfaite. Et lorsque l'homme vit la pensée subjective, sombre, et que cette pensée affecte son émotif, il joue le jeu de Foral et d'Atrion, et automatiquement, il sombre. Il perd de son intelligence. J'ai déjà dit que l'ego est bon. Non pas dans le sens que vous le comprenez, non pas dans le sens moral. Mais je dis que tous les égos ont en eux de la lumière. Tous les égos ont en eux de l'intelligence. À quelque niveau que ce soit. Depuis la venue sur le globe terrestre du Nazaréen. Alors, il n'y a aucune raison au monde pour qu'un ego, qu'un homme, craigne ses pensées. Et c'est la première leçon dans la lévitation de l'esprit de l'homme. C'est la première leçon dans la lévitation de l'esprit de l'homme. C'est la première leçon dans la séparation du périsprit de l'esprit de l'homme. C'est la première leçon dans le voyage de l'esprit de l'homme. C'est la première leçon dans la libération de l'homme. Parce que la libération de l'homme, c'est la libération de son esprit. Alors, si moindrement en vous, dans les années, dans le temps qui est, ou dans les années qui viennent, vous sentez mal à l'aise avec vos pensées, parce qu'elles sont cochonnes, ou qu'elles sont ci, ou qu'elles sont ça, c'est votre problème, je vous l'irai indiquer, et je ne peux pas faire autre que vous indiquer. C'est pourquoi j'ai déjà dit, il ne faut pas me croire, mais il faut mettre de la confiance dans l'énergie de mes mots, parce que c'est l'énergie de mes mots qui puisse entraver en vous les activités de ces régions. Lorsque l'homme meurt, soit qu'il aille dans la région de Foral, qu'il aille dans la région d'Atrion, qu'il aille dans la région de Repka, ou qu'il aille dans la région de Mitzra. Quand il va dans la région de Mitzra, vous avez le phénomène qu'on appelle le phénomène des poltergeists. Vous avez le phénomène des fantômes. Lorsqu'il va dans la région de Foral, il peut aller dans des plans suffisamment élevés de ces régions. Et c'est dans ces plans élevés que l'on retrouve les maîtres spirituels, les égaux évolués. Mais un jour, vous comprendrez de par votre propre intelligence, toujours. Et vous serez dans la même science que la mienne. Et vous comprendrez la même chose que moi-même. Et vous comprendrez cette chose, que je me foute des êtres qui sont dans Foral, même s'ils sont dans les hautes sphères de Foral. Autrement dit, les maîtres spirituels travaillent, font leur travail, et leur travail fait partie de leur évolution. Et l'homme doit un jour être capable de vivre, d'évoluer, de comprendre, non pas par les maîtres, mais par sa propre intelligence. Mais ceci, vous le comprendrez quand vous le comprendrez. Les domaines de la mort ne sont pas des domaines pour l'homme. Ces régions ne sont pas des régions pour l'homme. Mais ce sont des régions qui fascinent l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas dans son intelligence. Et n'étant pas dans son intelligence, il est automatiquement affecté, influé, intéressé, enthousiasmé parce qu'il y a des liens vibratoires entre ces régions et son périsprit. Le périsprit, c'est un peu comme une bouée de sauvetage lorsque l'homme est dans la mer. Peu sont les hommes qui oseraient être dans la mer sans bouée de sauvetage. C'est la situation et c'est la condition de l'humanité. Et je ne fais pas une allégorie, je ne crée pas une métaphore, j'explique catégoriquement la relation entre la crainte de perdition de l'ego et le pouvoir de l'ego. Et l'homme se sent tellement bien dans sa ceinture de sécurité parce que il n'a pas suffisamment d'intelligence, parce que il n'est pas dans son pouvoir. S'il était dans son pouvoir, il pourrait laisser tomber la ceinture de sécurité et il ne se perdrait pas, au contraire. Alors le problème, il est vaste, il est grand et il est grave. Et il est vécu et il sera vécu par chaque individu, quelles que soient les idées qu'il ait dans sa tête, qui lui ont été mises dans la tête par Forard. Forard, ce n'est pas simplement une dimension de l'esprit. Forage, c'est une prison pour des milliards et des milliards d'égos. Ainsi Catrion, Rebka et l'autre. Ce sont des prisons. Et Dieu sait si ce sont des prisons à l'intérieur desquelles le temps est long. Vous n'avez qu'à communiquer avec ces êtres pour en savoir une partie. C'est pourquoi je dis, l'homme qui est dans la matière est porteur de lumière. Mais ce qui coupe, ce qui bloque cette lumière, c'est son périsprit. C'est l'énergie de ses plans inférieurs qui ne sont pas ajustés, qui sont contaminés et qui lui donne l'apparence d'être humain, lorsqu'en fait, il n'est qu'animal intelligent. L'homme doit pouvoir instantanément reconnaître l'intention de l'ajusteur de pensée. L'intention. Et l'intention de l'ajusteur de pensée est toujours opposée au périsprit. Ce que vous appelez, vous, l'intuition, qui est un aspect inférieur de l'intention, qui est l'intention diminuée par le périsprit. L'homme doit s'habituer à reconnaître instantanément cette intention pour en arriver éventuellement à être dans la continuité de l'intention, ce qui devient pour lui la continuité de l'intelligence. Mais l'homme, à cause de son pur esprit, se refuse l'intention parce que l'intention est toujours opposée aux lois de son pur esprit, c'est-à-dire qu'elle est toujours opposée au comportement humain normal, naturel, sociétal. Un homme qui se conscientise et qui va vers la conscience cosmique ne peut plus appartenir à la société humaine en esprit. Il peut convenir avec elle, mais il n'appartient plus à elle. Et l'homme craint de ne pas pouvoir appartenir en esprit à la société humaine parce qu'elle le nourrit, parce qu'elle fait partie du grand jeu. C'est l'establishment créé par ces mondes invisibles pour leur bénéfice et non pour le bénéfice de l'homme. Alors l'ego se sent seul, se sent isolé. Et il n'a pas la force. Et n'ayant pas la force, il ne peut jamais avoir la prescience. Je vous explique ces choses, non pas pour que vous les compreniez, mais pour que vous les réalisiez. Parce que l'homme n'a pas besoin de comprendre ces choses pour les savoir, mais il a besoin de les réaliser dans son intelligence pour pouvoir vivre vibratoirement de leur réalité. Ce n'est pas psychologiquement que l'homme peut vivre. Il peut exister psychologiquement, mais il ne vit pas psychologiquement. Vivre psychologiquement, c'est automatiquement être prisonnier de ses régions. Et lorsque l'homme cesse de vivre psychologiquement, c'est à ce moment-là qu'il commence à vivre de son intelligence, de l'énergie de son intelligence, de la volonté de son intelligence, et qu'il commence à se détacher en esprit de ces mondes, et qu'il commence lorsqu'il dort le soir, au lieu de s'endormir dans l'oubli, et de devenir prisonnier de cet oubli, il commence à pouvoir se déplacer en esprit vers des régions, vers des mondes qui constituent le réel universel, au lieu de mondes qui sont totalement fabriqués par des égos et des esprits détournés, soit de la vue de la lumière, dans le cas des égos, ou par des esprits qui sont totalement déchus de cette lumière. Nous n'avons plus beaucoup de temps sur la Terre. L'humanité n'a plus beaucoup de temps sur la Terre. L'humanité n'a plus beaucoup de temps dans les conditions actuelles. L'humanité n'a plus beaucoup de joie devant elle. Et de plus en plus, le bonheur terrestre sera restreint chez les hommes. Parce que les forces de ces régions deviendront de plus en plus puissantes. Et vient le moment où déjà ces mondes se matérialisent. Et lorsque ces mondes se matérialisent, ils le font pour une raison simplement, pour se rapprocher de l'ego et l'emprisonner encore plus. C'est pourquoi je dis à l'homme, cessez de jouer au Dieu. Cessez de jouer aux investigateurs du paranormal. Cessez de jouer avec des forces dont vous ne connaissez pas la nature, dont vous ne connaissez pas les lois. Parce que quand vous le faites, vous jouez leur jeu. Quand je dis que le psychisme est une abnormalité, je le dis bien. Être psychique, c'est être anormal. C'est avoir un des principes qui est désordonné, désaxé et en voie d'influence paranormale. Vous vous imaginez que l'homme a besoin de ces mondes pour évoluer? L'homme a besoin de son esprit pour évoluer, et il ne l'a pas. Il ne vit que de son pire esprit. Ensuite, vous vous demandez pourquoi vous n'êtes pas capable de vous sentir, de sentir ce que vous êtes. Pourquoi vous n'êtes pas capable d'avoir un horizon de ce que vous êtes. Pourquoi vous n'êtes pas capable de sentir une limite incalculable de ce que vous êtes. Pourquoi vous n'avez aucune centricité. Pourquoi vous n'êtes pas capable de dire, bon, mais je suis ceci. Je représente ceci. Je peux faire ceci. J'ai telle intelligence. Parce que vous ne vivez que de votre pire esprit. Effectivement, votre pire esprit vous donne, vous crée des désirs. Vous voudriez être ceci ou cela, mais vous ne pouvez pas être ceci ou cela tant que vous voulez l'être. C'est une impossibilité parce que c'est une condition du périsprit, c'est une condition spirituelle du périsprit. Et tout ce qui est spirituel entraîne l'homme dans la déchéance. Non pas la déchéance des mœurs, mais dans la déchéance de sa matière. Le spirituel élève l'esprit de l'homme, mais il entraîne la déchéance de la matière. Parce que pour que la matière soit élevée, pour qu'elle soit rendue libre, il faut que ces plans, que ces mondes, que ces régions n'aient plus d'influence sur elles. Et ils n'ont plus d'influence sur elles lorsque le périsprit de l'homme a été pénétré, percé, transpercé par l'intelligence. C'est-à-dire l'énergie de l'intelligence, c'est-à-dire cette vibration en soi qui nous fait agir, qui nous fait parler, qui nous fait vivre, qui nous fait pulser, mais qui nous fait jamais penser à soi-même, pour soi-même et envers soi-même. Si on se réfère aux anciens, d'une façon allégorique, si on se réfère au fait que, à un moment de l'histoire, l'homme est présenté avec la capacité de découvrir la connaissance. Alors, il est donné à l'homme la capacité de découvrir la connaissance, le phénomène d'Adam et Ève. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme perd l'intelligence. Rappelez-vous. Pourquoi? Parce que la connaissance ne vient pas de la lumière. Rappelez-vous. La connaissance ne vient pas de la lumière, elle vient de ces régions abominables qui créent dans l'homme et maintiennent en l'homme le périsprit. Et quand vous aurez compris ceci, vous me foutrez la paix avec vos maudites questions. Vous apprendrez à travailler vos questions. Vous apprendrez à relaxer votre esprit. Vous apprendrez à ne pas chercher à comprendre. Vous apprendrez à vivre vibratoirement. Vous apprendrez à vivre la tête vide. Et c'est comme ceci que vous entrerez dans l'intelligence. J'en ai marre de vos questions. Non pas parce que je n'aime pas répondre à vos questions, mais parce que je sais et je connais le phénomène de la question. Le phénomène de la question. La question, la première question, elle est venue dans l'homme. Elle lui a été transmise par Forat. Et qu'est-ce qui se produit dans l'homme lorsqu'il se demande une question? Il retourne les yeux vers lui-même. Et c'est à partir de ce moment-là que l'égocentricité de l'homme a pris naissance sur la terre. Toute question. Toute question. Tue dans l'homme l'intelligence. Parce que l'homme qui est dans l'intelligence n'a pas besoin de questions, comme il n'a pas besoin de réponses, puisqu'il est dans le tout, puisqu'il est dans le savoir, puisqu'il est dans ce qu'il a de besoin de savoir. L'intelligence n'est jamais pour celui qui la canalise. Elle est toujours pour celui qui l'écoute, qui l'entend. Celui qui la canalise en est à la fois la victime et le créateur. Il en est à la fois le porteur et le transformateur. Celui qui est dans l'intelligence a le mandat de transformer l'intelligence. Il a le mandat de transformer les formes qui sont créés par le phénomène de l'intelligence que vous appelez la connaissance. Celui qui est dans l'intelligence n'a aucun besoin de savoir ce qu'il sait. Il n'a aucun besoin de reconnaître ce qu'il sait, puisque ce qu'il sait est intelligence. Mais cet aveuglement chez l'homme, cette cicatrice dans l'œil de l'homme est tellement profonde que ça prendra l'énergie de l'intelligence pour la faire disparaître. Et ceux qui ont cette cicatrice dans le front la vivront jusqu'au jour où elle disparaîtra de leur front. Et à ce moment-là, ils comprendront ce que c'est que la fusion de l'homme avec les forces de vie et les forces d'intelligence. Et l'homme ne se préoccupera plus de savoir quelque chose ou de comprendre quelque chose parce qu'il sera dans l'intelligence. Tous les égaux qui sont munis, qui évoluent, qui sont prisonniers du périsprit, quelle que soit leur nature, qu'ils soient archevêques, pas ou simples bonhommes, sont effectivement, normativement et catégoriquement dans un aspect quelconque de ce que j'appelle l'orgueil. Et l'orgueil est la force de tension, elle est l'énergie qui permet au périsprit d'exister. Alors, pour moi, il n'y a pas sur la terre de périsprit sans qu'il y ait, à quelque niveau que ce soit, pour quelque bonne raison que l'on croit, pour quelque expérience que l'on ait vécue, nous donnant l'impression de savoir. Là où il y a orgueil, il y a périsprit. Il y a où il y a périsprit, il y a orgueil. Et c'est justement cette fine caractérisation de la réalité entre l'esprit de l'homme et son périsprit qui défie l'ego, qui défie tout homme de reconnaître qu'il est sans orgueil. Même dans la plus grande des humilités, parce que je connais des hommes qui ont de la grande humilité, mais je sais aussi déceler derrière l'humilité l'orgueil de l'humilité.